voyageant dans le métro, j'étais presque bien assis. Un gamin s'approche de moi, il me regarde et me dit: hey monsieur, j'ai pas une thune, tu m'en donnes une? Si tu veux pas, t'es relou. Si t'es relou, t'es chelou. Si t'es chelou, t'es zarbi. Si t'es zarbi, t'es crignos. Si tu crignos, c'est que tu crains. Si tu crains, c'est que t'assures pas. Si t'assures pas, lâche la faire. Distrait, j'arrête l'arrêt. Par inconscience et impatience, je perds le contrôle de la boussole. Autour de moi, tout s'affole, se vole. Je lâche les rênes de mon cou. Crache ma haine d'espèce humaine. Perdu la trame du mélodrame. Et je rêvais. Entre les lames, je rame, je glisse. Entre les flux et les reflux des gens qui passent et qui repassent. Qui me rapproche et puis m'éloigne de mon domaine. Entre les lames, je rame, je glisse. Entre les flux et les reflux du temps qui passe et qui repasse. Tout se passe dans l'interface comme dans un jeu. Je me dis je veux, je peux. Voyageant dans le métro, j'étais presque bien assis. Un black s'approche de moi, il me regarde et me dit: je stipule, manipule, je prends le pouls de la foule. Je souffle chaud, je souffle frais. Je fais de vrais faux papiers. Photocopier, libeller, transmis, accordé, garanti, tabouté, rappelle-moi quand tu voudras, maintenant. Distrait, je rate l'arrêt. Perdu, froissé, énervé et courroucé. Je perds le contrôle de la boussole, autour de moi tous s'affolent, se volent. Je lâche les rênes de mon courroux, crache ma haine d'espèce humaine. Perdu la trame du mélodrame, et je vivais. Entre les lames, je rame, je glisse, entre les flux et les reflux des gens qui passent et qui repassent, qui me rapprochent et puis m'éloignent de mon domaine. Tant pis, je descends. À la prochaine. Pardon, je descends. À la prochaine.